21h, le Before Dance Floor. Avec Kev. Sur Radio Mix Floor. Arrête le rap, j'ai pas le temps de poser négro beau des barras. Tu dois les barrages, le manadonka. Le bol le NF à la place du barbal. Qui donne le section, il est quartier. Les petits qui parlent, ma voilà, faut que c'est parti. T'es peut-être armé, chez nous y'a les bravas. Dans mon sous les fils de pute qui parlent, mais des legas. Tous ces enfoirés, chèques qui passent au ma, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de tige de pêche, connais pas mon salaire, mais c'est pas des boutiques. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, j'vois que des abrutis. Juste là pour le même but, reste dans le artiste. Et puis fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move. Laisse les jaloux, laisse les coups mal à mal, c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tac parti, le mec nous a chez nous. LAG va doucement sur vos colères. Qui me met souvent sur le sort Twitter. Ma chérie me presse pas la nourriture. Il qu'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés, chèques qui passent au ma, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de tige de pêche, connais pas mon salaire, mais c'est pas des boutiques. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde, pisto, et puis fais le bout. Fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move, fais le move. C'est nous, c'est la Champions League. C'est nous, c'est la Champions League. Mais qui veut la moula encore? Bienvenue sur Radio Mix Floor, c'est Kev dans le Before Dance Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Allez, tout de suite, on va parler de. I'm back. I play Pokémon Go. Every day, I play Pokémon Go. Oh là là là là. Ah là là là là. Vous connaissez ce type sûrement. C'est pas ici que vous allez l'entendre tous les jours, ça je vous le dis, gars. Ça je vous le dis tous les jours déjà. C'est très dur pour passer ce genre de chansons chez nous. Alors là, maintenant, je vais vous parler de Pokémon Go, les amis. Vous avez compris, voilà, je vais vous parler d'un russe, un jeune homme, un youtubeur peut-être que vous connaissez, peut-être vous avez vu la vidéo, peut-être vous êtes même fan de lui. Il est russe. J'espère que c'est pas lui qui chante, en tout cas, I Play Pokémon Go. Donc il est suivi par 280 000 personnes sur YouTube, donc c'est quand même assez énorme. Et donc voilà, il a filmé une vidéo de lui tranquille, pépère, en train de filmer des vidéos de Pokémon Go. En ce moment, ça fait le buzz, ça fait le tour du monde. Et bah, le pauvre a été en détention, placé en garde à vue, placé voilà, vraiment la totale par la police russe, car il a filmé dans une église, voilà, dans une église orthodoxe. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais je ne sais pas du tout c'est quoi. S'il vous plaît, on peut se repasser. I play parce que je. Le pauvre. Ah, le pauvre, il est en prison. Si tu nous écoutes en prison, ça nous ferait plaisir de te faire un gros bisou sur tes Pokémon. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que ça va chez vous. J'espère que vous êtes bien installés sur Radio Mix Floor, dans le Before Dance Floor. Et tout de suite, c'est quoi? C'est Soprano en feu. J'ai envie de voir danser derrière vos écrans, les amis. C'est Kev. Bienvenue. Il est là. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prêt de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme un Marcy. Le sol s'allume, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuque. Sors de la piste, fais le grand dégât de Vanda. Je sens que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de. Si tu me parles, rien de. Si tu me touches, rien de. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu.

C'est Kev, on est là jusqu'à 21h. Merci d'être à l'écoute. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Donc les amis, je vous l'ai promis, vous allez apprendre des choses assez cool dans cette émission. Là maintenant, j'ai envie de vous dire, vous allez, les amis, on va faire le top 3. Écoutez-moi bien les amis. Alors là, mettez pas de casque, ça va. C'est assez raisonnable, excusez-moi. On va faire le top 3 des animaux qui éjaculent le plus. Voilà, donc c'est un peu con, mais franchement, vous allez être surpris. En troisième position, les amis, nous avons l'éléphant d'Afrique. Il recrache 93 millilitres de spermatozoïdes. C'est quand même assez pas mal, quand même. Donc si Jojo, tu écoutes cette émission, j'espère que ça sera assez cool. En position 2, en deuxième position, j'étais assez choqué. C'est le cochon. Le cochon, les amis, 250 ml de spermatozoïdes. Et attention, le numéro 1, les amis. Alors là, c'est le best. S'il y en a un qui arrive à faire pareil que lui, je l'appelle monsieur. Nous avons en première position, j'ai l'impression de dire les Oscars, quoi. Première position, les amis, nous avons la baleine bleue avec, c'est énorme, 7,5 litres de spermatozoïdes, les amis. Je ne comprends. Voilà, je ne comprends pas les gens qui se baignent dans la mer. C'est pour ça que je me baigne jamais dans la mer, les amis. Parce que j'aime pas trop la mer. Et puis là, je viens d'apprendre ça. C'est un petit peu, comment vous dire, écœurant. Voilà, vous baignez un petit peu dans les spermatozoïdes de la baleine bleue, quoi. Ça fait plaisir. Allez, tout de suite. Excusez-moi, il y a un singe qui est en train de me faire chier dans les studios. Reste assis, Mani, reste assis, calme-toi. Excusez-moi. Tout de suite, on va se faire un son que vous connaissez sur Radio Mixlr. C'est Kev, on est là jusqu'à 21h dans le Before Dance Floor. Parakeet. Voilà, c'est un son que vous kiffez, bienvenue. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down, save me, kill me. Shoot me down, blow me down, save me, save me. I

me lance, désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense.